sur ma couche. J'ai fait du ciel de lit le plafond de ma vie où brillent des étoiles en papier d'argent. Sur ma couche allongée, je pense à tous ces gens qu'à l'affection des leurs, un virus a ravi. À chaque être douloureusement disparu scintille au firmament une étincelle neuve, comme si, dans l'éther, lorsque la terre est veuve, l'esprit de nos défunts a souvent reparu. La cohorte des âmes fuit vers l'infini et revient chaque nuit quand l'angoisse étreint l'homme, répandre une lumière, celle que d'aucun homme la grâce ou bien la foi au cœur des insomnies. Alors je pense aux miens qui, loin de moi, demeurent, que je ne peux aider qu'en mes songes craintifs. Où coule une prière en doux récitatif implorant le ciel, afin que nul ne meure,